savez, on dit moteur, tout s'éteint, tout se calme, il y a un silence. C'est impressionnant la première fois qu'on fait ce métier, le silence total d'une équipe. Comme si tout le monde, dans ce silence, vous disait à toi de nous, épate-nous, quoi. Comme on dit souvent comme ça entre comédiens, vas-y, fais-moi rire. Enfin, un truc tétanisant. Qu'est-ce qui fait une famille? Le nom, la ressemblance entre les membres, le caractère, l'affinité, les conflits inévitables et les secrets mal gardés? C'est parce que la réponse à cette question n'a jamais été trouvée que des philosophes comme Wittgenstein ou des générations d'écrivains et de cinéastes se sont emparés du sujet. La famille, c'est, selon les points de vue, le terreau privilégié du drame et l'essence même de la comédie. Le film « Un air de famille » paraît en 1995 sur les écrans. D'abord une pièce de théâtre, écrite et jouée par Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui. Le film est réalisé par Cédric Clapiche et rencontre un immense succès en salle et reçoit 3 Césars. La famille a ses secrets, le rire et la comédie aussi. Alors pour tenter de l'élucider ce matin, on commence avec le maître de la comédie française, Monsieur Jean-Baptiste Poquelin, c'est-à-dire Molière. Vous croyez donc, monsieur Lycidas, que tout l'esprit et toute la beauté sont dans les poèmes sérieux et que les pièces comiques sont des niaiseries qui ne méritent aucune louange? Ce n'est pas mon sentiment pour moi. La tragédie, sans doute, est quelque chose de beau quand elle est bien touchée. Mais la comédie a ses charmes et je tiens que l'une n'est pas moins difficile à faire que l'autre. Mais assurément, madame. Et quand, pour la difficulté, vous mettriez un peu plus du côté de la comédie, peut-être que vous ne vous abuseriez pas. Car enfin, je trouve qu'il est bien plus aisé de se guinder sur de grands sentiments, de braver en vers la fortune, accuser les destins et dire des injures aux dieux que d'entrer comme il faut dans le ridicule des hommes et de rendre agréablement sur le théâtre les défauts de tout le monde. Lorsque vous peignez des héros, vous faites ce que vous voulez, mais lorsque vous peignez les hommes, il faut peindre d'après nature. On veut que ces portraits ressemblent et vous n'avez rien fait si vous n'y faites reconnaître les gens de votre siècle. Yeah, nigga. I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nah, nigga. Guess who's back? Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed, they wanna know how I feel about it. If you ain't up on pace, Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf, still fuck with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. I'm representing for the gangsters all across the world. Bonjour, Cédric Clapiche. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Eh bien, merci. Je suis heureuse de vous avoir à ce micro. Quand on demandait à Jean-Pierre Bacri comment il se définissait, il disait dans mon habitus, il y a Molière et Dr. Dre. Donc, ce début d'émission, c'est un hommage qu'on peut lui rendre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Bacri dans la rencontre entre Molière, l'essence de la comédie française, et Dr. Dre, le rap américain qu'il adorait. Je suis d'accord. Et ça faisait du bien d'entendre sa voix. C'était beau ce qu'il disait sur l'attente fait nourrir, effectivement, c'est ce truc qui rend les gens un peu fous. Ouais. Le silence avant un tournage qu'on sent qu'on attend beaucoup de choses de nous, c'est un peu pareil dans une émission d'ailleurs. Oui. Moi, je ne sais pas si vous sentez cette pression-là, j'espère pas. Je ne vous ai pas dit d'ailleurs on tourne et je n'ai pas dit silence non plus. Vous avez entendu l'extrait de Molière qu'on a entendu qui a ouvert cette émission, un extrait de la critique de l'école des femmes. Molière essaye dans cette pièce-là de définir ce que c'est que l'essence même de la comédie. Il dit d'un côté, on peut peindre des héros. De l'autre, on peint des hommes, et tout ce qu'on veut, c'est que ces portraits ressemblent. Et vous n'avez rien fait si vous n'y faites reconnaître les gens de votre siècle. Est-ce que vous pensez que le but de la comédie, c'est ça, c'est de peindre les gens avec lesquels nous vivons? Non, je pense que ce serait restrictif de dire ça, mais Parce que c'est pas une histoire de photographie de l'époque, ça peut être plus large que ça. Pour moi, la comédie, c'est difficile à décrire parce que d'une part, pour moi, il y a plusieurs comédies. Ouais. La comédie de Jacques Tati ou la comédie de Molière ou la comédie de Woody Allen ou la comédie de Lautner, c'est pas le même rire et c'est pas la même façon d'aborder la comédie. Donc pour moi, il y a des comédies. Enfin, c'est vraiment bizarre que ce soit représenté dans un genre sans justement donner les nuances de ce genre-là. J'ai l'impression que pour le drame, il y a finalement plus de nuances. Mm-hmm. Donc dans la comédie, pour moi, il peut y avoir différents buts en tout cas. C'est ça. Donc la comédie, si on peut la définir, c'est quoi ? C'est pas uniquement ce qui fait rire, si ? C'est d'abord ça ? Si, je pense que c'est ça qui. Enfin voilà, si on cherche à définir la comédie, c'est que ça doit faire rire. C'était un copain à moi, Todd Solondz, qui disait, on lui disait parce que bon, il était censé écrire des comédies, on lui disait est-ce que tu penses que ça va être drôle ? Il dit si c'est drôle, ce sera une comédie, si c'est pas drôle, ce sera une tragédie. Et c'était une espèce de jeu de mots qu'il avait pour dire voilà, moi c'est fait pour être drôle, mais si jamais les gens rient pas, ce sera une tragédie pour moi, quoi. J'ai l'impression en fait que le but effectivement c'est de provoquer le rire et là tous les moyens sont bons parce que encore une fois il y a différents rires et le rire du deuxième degré ou le rire primaire c'est pas le même. Et quel rire cherchez-vous dans votre cinéma? C'est compliqué à définir parce que c'est ce qui me fait rire moi, donc moi j'ai l'impression que les grands maîtres, c'est l'humour juif new-yorkais, c'est-à-dire que c'est les Marx Brothers, c'est Woody Allen, c'est les gens qui peuvent être soit dans le deuxième degré et faire du pastiche ou de rire au deuxième degré, soit de prendre les travers humains et d'essayer de triturer ça de façon, alors ça se rapproche de ce que raconte Molière, c'est le fait de faire le portrait de quelque chose. Ouais. En ne montrant que ce qui est le travers. C'est-à-dire que c'est dans les caricatures de Daumier, il y avait le fait de grossir le trait. Quand on grossit le trait sur quelque chose, on voit la chose drôle de ça. Donc je pense que il y a ces choses-là moi qui m'intéressent. Moi souvent d'ailleurs les critiques de cinéma qui n'aiment pas mes films disent souvent que mes films sont trop caricaturales. Et ça me fait rire moi parce que c'est une recherche. La caricature est une recherche, c'est pas du tout un problème pour moi. Les films de Tati sont caricaturaux et c'est pas un problème. C'est-à-dire que c'est une écriture, c'est un langage. Donc le fait de chercher la caricature ou chercher à grossir le trait, c'est quelque chose qui est intéressant pour moi. Quand j'ai travaillé sur la série 10%, c'était intéressant pour moi parce que moi, à la base, je me sens pas comme quelqu'un qui fait de la comédie. Dans mes longs métrages, que ce soit, je sais pas, Un air de famille ou Chacun cherche son chat, ou différents longs métrages qui sont considérés comme comiques de ma part, c'est pas drôle. Le Péril jeune qui avait gagné. C'est très drôle. Ça n'est pas que drôle. Non, bien sûr. Mais en tout cas, dans Le Péril jeune, par exemple, quand on avait travaillé avec les scénaristes, on pensait pas que le film était drôle. C'est-à-dire qu'on racontait l'histoire de quelqu'un qui meurt d'une overdose. On supposait pas que ça serait aussi drôle que ça, quoi. Donc, je me considère pas comme un auteur de comédie, et par rapport à d'autres gens qui sont vraiment des maîtres de la comédie, moi je me sens pas du tout sur ce terrain-là. Mais par contre, j'aime bien les choses qui font rire, et du coup, j'aime bien aller traîner du côté de ce qui est un peu encore une fois le très grossi, c'est-à-dire que j'allais citer le 10% quand je faisais 10%, j'ai vu à quel point là c'était un langage de comédie et je me suis rendu compte que j'avais jamais fait ça en fait. Vous avez réalisé deux épisodes, c'est ça? J'ai réalisé deux épisodes et puis j'étais directeur artistique de la première saison, donc j'ai fait le casting notamment de cette série. Donc c'était intéressant de travailler sur ça pour moi, parce que j'ai vu à quel point, moi en général, pour des soucis très souvent de réalité, de réalisme, je vais pas jusqu'à grossir le trait comme ça, et que là, dans 10%, c'était, allons-y, si c'est un peu plus faux, c'est pas grave, parce que le but, c'est de faire rire, quoi. Est-ce que vous pensez, et je rebondis sur ce que vous disiez sur la réception de vos films jugés caricaturaux par les critiques qui n'appréciaient pas vos films, est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de snobisme français qui fait qu'on a du mal avec la comédie française. Snobisme, et là je parle de manière beaucoup plus générale, et ce n'est pas sans lien d'ailleurs avec les propos des films réalisés par Bakri et Jaoui, hein, justement, sur le goût des autres par exemple. J'en veux pour preuve que quand on a préparé ces émissions, et que pour préparer une émission sur ce que c'est que la comédie française, on s'est rendu compte qu'il n'y avait quasiment aucun ouvrage théorique. Non, je ne sais pas pourquoi il y a un problème en France avec ça. Et Molière le disait, hein, c'est-à-dire que c'était vrai aussi du temps de Molière. Il y avait cette espèce de dualité Racine-Molière, où Racine c'était plus noble que Molière, qui était plus populaire et vulgaire. Il y a toujours cette connotation finalement quand on dit vulgaire. Ça veut dire le peuple, littéralement, mais ça veut dire aussi que c'est pas bien, quoi. Donc c'est ça le problème français, je dirais. C'est-à-dire que dans la comédie, il y a le fait de ne pas considérer que vulgaire est péjoratif. Ouais. Et donc c'est vrai que Bakri, en premier, il voulait faire du cinéma populaire, il voulait faire du théâtre populaire, et il se heurtait à la critique. Parce qu'il voulait faire des choses populaires. Et les chanteurs populaires ont cette problématique aussi. C'est-à-dire qu'en France, bizarrement, quand on est sérieux, intellectuel et bien-pensant, le populaire est un problème. Donc la noblesse est certainement mieux considérée que le populaire. Donc je pense que ça, c'est un des problèmes français. Et puis après, il y a le problème du sérieux. C'est-à-dire qu'on a une attitude bizarre en France avec le sérieux, oui. Où on pense que ce qui est comique, pareil, est négatif. Donc les gens qui font de la comédie sont moins considérés que les gens qui font du drame. Au Festival de Cannes, si vous regardez, il n'y a pratiquement aucune comédie, jamais, depuis des années. Donc les films sérieux, les films d'auteur, c'est les films qui ne sont pas comiques. Et les réalisateurs qui font de la comédie, Lautner, Houry, Philippe de Broca, Philippe Lachaud aujourd'hui, tous les gens qui font de la comédie, ils sont moins considérés que les gens qui font des drames sociaux, des drames de la tragédie, des films poétiques, des films sérieux. Donc il y a effectivement un problème avec ça, et je n'ai jamais compris pourquoi. Je lis un scénario et je me dis, ce personnage, j'ai des points communs avec lui, j'ai envie de l'incarner... Je suis copain avec cette écriture, j'aime bien. Alors effectivement, oui, je choisis des personnages que je m'accapare et je les restitue tels que je sais le faire. Et ça donne effectivement, moi, à chaque coup, quoi. C'est vrai, je suis pas un type qui compose comme, effectivement, je suis une sorte d'acteur, quoi. Je suis pas un type qui compose, je suis une sorte d'acteur, disait Jean-Pierre Bakri, c'était le 30 août 2012 au micro de France Inter. Où est-ce que vous situez Bakri dans cet univers de la comédie, Cédric Clapiche? Pourquoi nous fait-il rire? Alors pour moi, la comédie, c'est quelque chose de très mystérieux. Et justement, rire, je crois qu'on ne sait jamais par où ça va sortir et pourquoi c'est drôle. Et c'est pour ça qu'on rit, je dirais. Parce qu'on aime être surpris, on aime l'inattendu et on rit de ça. Le seul ouvrage que je connais de philosophie qui parle du rire, c'est Le Rire de Bergson. Et je l'ai lu il y a très très longtemps, mais la chose dont je me souviens qui m'avait marqué, c'est il prend l'exemple de la peau de banane, quoi. Il dit, voilà, quelqu'un qui tombe par terre, qui glisse sur une peau de banane, ça nous fait rire. Et c'est quand même étrange, je veux dire, pourquoi on rit de ça? Et c'est une espèce de gag mythique, quoi. Et en fait, il dit, c'est parce que il devait continuer à marcher et il y a quelque chose qui s'interrompt dans sa linéarité, dans sa continuité. Et en fait, ça nous fait rire parce que c'est cet inattendu-là qui nous fait rire. Et je pense que, c'est très troublant qu'ils définissent le rire comme ça, mais je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans sur le fait que, et c'est ça qui fait que c'est compliqué de définir le rire, c'est parce que c'est inattendu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas peut-être conceptualiser, comprendre, parce que c'est toujours quelque chose qui va être inattendu. Donc quelque chose qui est trop avec des ficelles, avec des recettes, moi je sais que moi ça me fait pas rire. Oui, mais par exemple Buster Keaton, c'est que des ficelles et pourtant ça fait rire. Ou alors peut-être ça vous fait pas rire. Non, si, moi ça me fait beaucoup rire, mais c'est surprenant. Il y a quand même, je sais que j'en ai revu plusieurs récemment. C'est très très drôle parce que parce que encore aujourd'hui, c'est-à-dire que il a créé des ficelles comiques, on va dire, ou des ressorts comiques. Mais lui, dans la mesure où c'est très initial et que c'est lui qui les a inventés, il y a quelque chose qui nous surprend. Enfin, moi, je sais que quand on voit ça, et que ce soit quand je le vois avec mes enfants, quand je le vois moi, mes enfants rient, moi je ris. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui ne s'éteint pas, quoi. C'est vraiment quelque chose qui reste aussi puissant, quoi. Donc, mais je pense que c'est lié à ce côté inattendu. Le gag chez Buster Keaton, il est inattendu quand il y a une façade qui lui tombe dessus et que on pense qu'il va être écrasé, mais en fait il passe à travers la fenêtre qui était ouverte. Ça c'est à la fois, on a à la fois peur, ouais. Et en même temps ça déclenche un rire, quoi. C'est bon, c'est cette histoire de peau de banane, quoi. Oui, c'est ça. Et en même temps, quand la sixième fois que la façade lui tombe dessus, on rit aussi. Il y a le comique de répétition. Alors qui, oui, semble donner tort à l'inattendu. C'est sûr que après c'est un peu tous les procédés comiques qu'on voit en littérature, que Molière a beaucoup épluché, je dirais. Il y a le comique de répétition, il y a le quiproquo, il y a le mensonge, il y a énormément d'effets comiques qui ont été répertoriés et qui effectivement on peut les utiliser encore aujourd'hui. Et et le quiproquo, oui, c'est inaltérable, je dirais. Quand vous rencontrez Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri et qu'ils vous proposent, parce que c'est comme ça que ça se passe, je crois, d'adapter Un air de famille au cinéma. Ouais, en fait, c'est Jean-Pierre Darroussin qui me les a présentés pour me proposer d'adapter la pièce. Ouais. Donc, eux avaient joué la pièce sur scène. Ouais. Ils souhaitaient l'adapter au cinéma. Ils avaient reçu deux Molières, d'ailleurs, pour l'adaptation théâtrale. Vous ne les connaissiez pas avant? Non. Et donc vous commencez à travailler avec eux, vous les dirigez, comment est-ce que ça se passe? J'en reviens à ma question sur le type d'acteur qu'était Bacri. Alors ça se passe en longtemps, enfin il m'invite à une représentation d'Un air de famille, ensuite on dîne ensemble et puis il me propose de l'adapter au cinéma. Moi j'avais vu Cuisine et dépendance et j'avais beaucoup aimé, puis j'avais beaucoup aimé la pièce que je venais de voir ce soir-là, et du coup je crois que le lendemain je leur ai dit oui, alors que j'avais complètement d'autres projets, donc j'arrête tout pour... Vous aviez réalisé un film avant, c'est ça? J'avais fait Rien du tout, et où il y avait Jean-Pierre Darroussin qui jouait dans le film, donc en fait ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire qu'en fait Jean-Pierre avait bien aimé ma façon de le diriger, je pense, et il s'était dit ça serait bien qu'ils se rencontrent, et je crois d'ailleurs qu'il voulait qu'on se rencontre déjà pour Cuisine et dépendance, et je faisais autre chose, donc je crois que je faisais Le Péril jeune à ce moment-là, ouais. Et du coup eux avaient vu Le Péril jeune et Rien du tout, ils avaient beaucoup aimé. Et c'est pour ça qu'il me propose de faire le film. Et puis assez rapidement, donc on a écrit l'adaptation ensemble. Ça a duré 5 mois environ. Où on a transposé la pièce pour un scénario. Alors pour moi, ça a été une espèce de leçon de vie de coécrire cette adaptation, parce que je me considérais pas comme un bon scénariste et j'ai eu l'impression de prendre des cours, quoi. Ah oui. Parce que vu le nombre de Césars qu'ils ont eu sur le scénario, c'est pas compliqué de voir qu'ils étaient quand même très doués en scénario. Et puis oui, en les côtoyant et en voyant comment ils travaillaient, ils étaient très différents les deux. Ils avaient une espèce de côté, c'est presque un moteur à deux temps. Et du coup, c'était impressionnant d'être avec eux et de participer à ça, quoi. Donc, j'ai vraiment beaucoup appris. En fait, je pense que tout ce que j'ai ressenti par la suite de Jean-Pierre Bacri est beaucoup lié à cette période d'écriture. Et puis sur le tournage, disons qu'on a découvert qu'on était très proches. On pensait les mêmes choses politiquement, on riait des mêmes choses. On pensait à la même chose du cinéma, on pensait à la même chose des critiques de cinéma, on lisait les mêmes journaux, et donc il y avait vraiment une espèce de connexion très forte entre nous. Et donc sur le plateau, quand vous me posez la question comment ça s'est passé merveilleusement bien, parce que c'est ce qu'il raconte, on est au spectacle, c'est-à-dire il y a le côté vas-y épate-moi, et il était très fort pour ça, c'est-à-dire que il se mettait à la pression pour ça, et c'est... On était spectateurs d'une pièce de théâtre. C'est-à-dire que les gens qui étaient sur le tournage, on venait le matin en rigolant, disant oh, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, parce qu'on savait qu'on disait action, et puis il y avait quelque chose de dingue qui allait se produire, quoi. Et on faisait 10 prises avec Jean-Pierre, et il avait une espèce d'inventivité incroyable. C'est-à-dire que il avait joué 9 mois la pièce au théâtre, hein, donc c'était quelque chose. C'était pas seulement qu'il la connaissait par cœur, il l'avait écrit, il l'avait joué 9 mois tous les soirs. Et là, il réinventait à chaque prise les répliques qu'il avait écrites lui-même. Et c'était assez fou à voir, de voir que c'était une espèce de créativité dans l'instant assez forte, quoi. Hein, j'ai pas de considération, moi. C'est-à-dire? Et je sais pas. La considération, je comprends même pas ce que ça veut dire. Il paraît que j'ai pas de considération pour elle. Si tu comprends, toi. Je sais pas. Ah. Que vous la traitez mal, non? Moi? Je la traite mal? C'est ce qu'elle dit. Je la traite très bien. Traite mal. De toute façon, on se voit jamais. Je voudrais la traiter mal, j'aurais pas le temps. Je me réveille 5 heures du matin. Je travaille toute la journée. Je mange, je dors, voilà. C'est tout ce que je... dégoûté. Je suis dégoûté. Elle va revenir. Ouais, ouais. Ah, le temps de s'en mettre les idées en place, quoi. Ça fait du bien de réfléchir. Non, ça fait pas du bien de réfléchir. Oh, patron, vous pouvez pas dire ça, la réflexion, patron. Remettre les choses en place, faire le tri, peser le pour et le contre. Ouais, ouais, j'appelle ça enculer les mouches, moi. Ah oui, c'est vrai que vous appelez ça comme ça, vous. Ben ouais. Ouais, si tu te mets à penser à tout, il y a toujours moyen de trouver quelque chose qui va pas. Alors, on s'en sort plus. Il te dit quoi, le maire, quand tu te maries? Vous êtes unis par les liens du mariage. Non. Bah si. Eh, dis donc, avant, il te dit quoi avant? J'en sais rien. Vous vous devez fidélité. Mais non, il te dit pour le meilleur et pour le pire. Ouais, ce qu'il te dit. Et il n'y a pas à réfléchir. Si ça va, t'es content, ça va pas, tu patientes. C'est comme ça, la vie. Et elle me connaît. Elle sait comment je suis. Bon, pas changer maintenant. Mais pourquoi pas? Mais parce qu'on est comme on est, on change pas et puis c'est tout. Mais non, je suis pas d'accord, si on décide... On change pas, je te dis. Vous voulez pas savoir ce que j'en pense? Eh non. Est-ce qu'on peut faire changer les gens avec une fiction ou avec un film ou avec une œuvre? Certains disent que non, moi je dis que c'est possible, je dis que le sentiment de pouvoir changer entre dans la tête des gens, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit ça à la fin des projets. Mais comme dit Vladimir, justement, après, c'est une question de persévérance et d'opiniâtreté, quoi. C'est-à-dire, c'est une chose de dire, ah tiens, ce film m'a changé dans la minute, et de revenir à ses habitudes le lendemain. Et c'en est une autre de remettre en cause sa vie et de recommencer quelque chose et de revisiter sa façon de penser. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. On termine aujourd'hui notre série d'émissions autour du travail de Jean-Pierre Bacri. On parle d'Un air de famille en compagnie du réalisateur du film, Cédric Clapiche. Vous avez entendu Bacri présenter ce qui est peut-être l'axe de son travail avec Agnès Jaoui, la question de savoir si, malgré le fait que nous soyons tous pris dans des déterminismes, nous pouvons changer. C'est la question que pose Le Goût des Autres, dont on parlait mardi. Alors, c'est réalisé par René, mais dans On connaît la chanson, c'est aussi un peu la même question. Dans Un air de famille également. Et Bacri, dans l'archive qu'on a entendu, le disait bien, il disait, mais moi, je pense vraiment qu'une œuvre, qu'un film peut changer la vie d'un spectateur. Est-ce que vous partagez cette affirmation, Cédric Clapiche? Oui, c'est très optimiste, mais je suis fait partie de ces optimistes-là, et que si on n'y croit pas, on fait pas ce métier. Et je pense que lui, il l'a bien décrit dans Le Goût des Autres, notamment sur il assiste à cette pièce avec sa femme. Il veut pas du tout y aller, et puis finalement, il est terrassé, où il est renversé, on sait pas trop si c'est par l'actrice ou par le texte de Racine. Et du coup, oui, on sent que sa vie change. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose, il pensait pas être ému ou intéressé par Racine. Et puis finalement, cette chose va le surprendre. Donc, je pense qu'il y a ça. Et très souvent, d'ailleurs, c'est drôle de voir comment les gens qui sont dans le cinéma à différents postes, souvent, ils ont rencontré quelqu'un au lycée qui leur a montré un film ou emmené voir une pièce de théâtre. Et à la suite de ça, ils se sont dit, tiens, je peux faire ça. Mmh. Et ils peuvent devenir maquilleurs, machinistes ou réalisateurs ou monteurs. Mais très souvent, je sais que Dominique Besnard le raconte, qu'il y a une espèce de rencontre qui se fait. Et c'est soit avec une personne, soit avec une œuvre. Et où le destin bascule parce qu'on se dit tiens oui ma vie pourrait être ça et ça c'est vrai pour pas que pour les gens qui travaillent dans le cinéma, c'est des gens je pense qu'on a tous été frappés par des œuvres et je pense que c'est le but de la culture hein, quand on va voir une exposition, quand on va voir un spectacle de danse, quand on va voir du théâtre ou du cinéma, c'est pour essayer d'avoir cette espèce de rencontre avec quelque chose d'inattendu qui vous fait changer quoi. Ça vous donne une responsabilité immense. Oui, mais tant mieux. Je pense que on est quand même une population assez responsable, je dirais. Ceux qui ont Les réalisateurs, c'est-à-dire que moi je fais partie de la SRF et de l'ARP. La SRF, c'est la Société des réalisateurs de films, et donc c'est une association de réalisateurs. L'ARP, c'est l'association des réalisateurs producteurs. Et je vois à quel point, en côtoyant mes collègues, que il y a un souci citoyen, il y a un souci politique, et que on est une population en général où cette notion de responsabilité, on l'a. Et justement, que ce soit des gens qui font de la comédie ou du drame, il y a une responsabilité vis-à-vis des autres, en tout cas. Ouais. Mm-hmm. Dans l'extrait qu'on a entendu d'un air de famille, le personnage de Bakri disait bien, voilà, mais la réflexion, moi, ça m'intéresse pas. Ce que tu appelles la réflexion, pour moi, c'est de l'enculage de mouche. Mm. On avait déjà passé cet extrait, d'ailleurs, on l'aime beaucoup ici, dans cette émission. Et pourtant, il dit quelque chose avec ce mot qui va revenir tout au long de la pièce, qui est celui de considération. Arlette, sa femme, qui est en train de le quitter, lui dit, mais tu n'as pas de considération pour moi. Il revient en boucle sur ce mot-là. Et c'est un mot qu'on entendra aussi dans la bouche de Bakri plus tard, dans les interviews qu'il donnera, quand il parle même de politique, etc., quand il parle d'analyse du mal-être de la société. Il dit, mais il y a certaines personnes de la société qui manquent de considération. C'est un mot qui est clé. Qui est important pour lui. Ouais. Ouais. Comment vous le comprenez, vous ? C'est le mot qui décrit l'humanité. Enfin, c'est le fait d'avoir de l'empathie pour l'autre. Et je comprends pourquoi c'était un mot important pour Bakri, et je pense que lui m'a éclairé sur ce mot-là. C'est que toute la notion du respect, toute la notion même républicaine, je dirais, c'est-à-dire le fait de dire la démocratie, c'est de dire que chacun a de l'importance. Et donc il faut avoir de la considération pour chacun, puisque chacun a de l'importance. Donc ce mot, il est important, parce que c'est vraiment c'est le respect de l'être humain, quoi. Mmh. Et effectivement, le manque de considération, très souvent, c'est les gens de pouvoir qui n'ont pas de considération, ou qui n'ont pas le temps, ou qui oublient ce respect de base dont parle très bien un air de famille. C'est-à-dire que quand on écrivait avec Jean-Pierre et Agnès, c'était intéressant de voir à quel point c'était quelque chose que j'avais pas vu du tout. J'ai dû voir la pièce 5 fois, et c'est assez tardivement où ils m'ont dit, en fait, c'est un contenu politique, oui, la pièce. Et où, en fait, cette famille, c'est presque des représentants de la société. Et où il y a le gauchiste, il y a le mec de droite, il y a le mec du peuple, il y a le mec puissant. Et en fait, ils sont 5, je crois, il y a 5 personnes, il y a déjà la société qui est représentée. Et en fait, c'est ça qu'ils essayaient de montrer, avec justement un autre langage qu'un langage sérieux. Et tout à l'heure, quand on parlait du côté vulgaire, le côté vulgaire, eux, ils ont de la considération pour la vulgarité. Et c'est vraiment ça que ça raconte, un air de famille. Ça raconte comment, quand on n'a pas de considération pour ça, bah, on n'a pas de considération pour le peuple. Et étrangement, dans le film, la seule chanson qui est là, c'est People Have the Power, de Patti Smith. Et en fait, le sous-texte du film, c'est ça, c'est le peuple a le pouvoir. Et c'est presque l'humour, je dirais, de Bakri, c'est de donner le pouvoir au peuple. C'est de dire, le peuple est important, je suis populaire, mais je ne suis pas quelqu'un de vulgaire. Oui, et c'est la grande force du film que d'incarner cette réflexion dans des personnages qui sont tellement vivants qu'à aucun moment on se dit, tiens, c'est un film politique qui nous fait la morale. Absolument, ouais. C'était drôle, cet extrait-là, quand vous parlez voilà, parce qu'on parle de philosophie, quand il dit, voilà, la réflexion, ça sert à rien, c'est l'enculage de mouche. Évidemment, lui ne pense pas ça, mais je trouve ça vraiment formidable que son personnage le pense. Et il le respecte, c'est-à-dire que Henri, et c'est d'ailleurs visible dans cet exemple, moi, il peut me faire rire. Henri, c'est le personnage. Hein, ouais, Henri, c'est le personnage de Bakri, ouais. Et il peut me faire rire à 1 seconde, et 5 secondes après, il peut me faire pleurer. C'est-à-dire que ce personnage-là, on peut se moquer de lui et le trouver super touchant et être d'accord avec lui d'une certaine façon. Et c'est ça que je trouve beau dans le langage de Bakri, c'est le fait qu'il lâche jamais les gens. C'est-à-dire qu'il a de la considération pour son personnage, et que même s'il le trouve facho, con, et ben il va le sauver. Il va se dire, oui, on est tous des fachos, on est tous cons, on a tous un manque de considération pour la personne d'à côté, et du coup il va essayer de le sauver en expliquant pourquoi il est comme ça et comment il peut changer, en fait, surtout. Et ça, c'est le propre d'un bon acteur que de pouvoir faire ça. Certainement, oui, le fait d'avoir ces facettes là parce que sans doute le mauvais acteur, c'est celui qui donne une image, quoi. Je pense que sur un personnage, il faut donner 1000 facettes. Et donc, c'est quand on arrive à donner une pluralité de facettes qu'on commence à être un bon acteur. Mmh. C'est une famille, une société. Et puis avec un papa et une maman qui pourraient être un gouvernement. Et puis des enfants qui sont... Certains sont très aimés, très choyés. Et d'autres rejetés, méprisés, stigmatisés. Et ces enfants qui sont méprisés et stigmatisés, ils finissent par être frustrés. Ils manquent d'amour. Et ils voient bien que les autres sont préférés à eux. Ils voient bien que c'est des citoyens de seconde zone. Donc à un moment, il y a de la rancœur, il y a de la rage. Cette rage, il faut que ça sorte. C'est un dommage difficilement réparable de traiter un enfant comme ça, parce que à un moment, vous le reprenez dans la gueule, c'est forcé. Considère par exemple les processus que nous nommons jeux, J-E-U-X. Je veux dire les jeux de pions, les jeux de cartes, les jeux de balles, les jeux de combat. Qu'ont-ils tous de commun ? Ne dis pas, il doit y avoir quelque chose de commun à tous, sans quoi ils ne s'appelleraient pas des jeux. Mais regarde s'il y a quelque chose de commun à tous. Car si tu le fais, tu ne verras rien de commun à tous, mais tu verras des ressemblances, des parentés, et tu en verras toute une série. Mais comme je viens de le dire, ne pense pas, regarde plutôt. Regarde les jeux de pions, par exemple, et leurs divers types de parenté. Passe ensuite aux jeux de cartes. Tu trouveras bien des correspondances entre eux et les jeux de la première catégorie. Mais tu verras aussi que de nombreux traits communs au premier disparaissent, tandis que d'autres apparaissent. Si nous passons ensuite aux jeux de balles, ils auront encore beaucoup de choses en commun avec les précédents, mais beaucoup d'autres se perdent. Sont-ils tous divertissants ? Compare le jeu d'échecs au jeu de moulin. Y a-t-il toujours un vainqueur et un vaincu, ou les joueurs sont-ils toujours en compétition ? Le résultat de cet examen est que nous voyons un réseau complexe de ressemblances qui se chevauchent et s'entrecroisent. Je ne saurais mieux caractériser ces ressemblances que par l'expression « un air de famille ». Car c'est de cette façon-là que les différentes ressemblances existant entre les membres d'une même famille, taille, traits du visage, couleur des yeux, démarche, tempérament, se chevauchent et s'entrecroisent. Je dirais donc que les jeux forment une famille, de même que les différentes catégories de nombres, par exemple, forment une famille. Les chemins de la philosophie. France Culture, Adèle Van Rett. Alors Cédric Lapiche, c'est dur de définir ce qu'est une comédie, d'où vient le rire, c'est tout aussi difficile de définir ce que c'est qu'une famille. Mmh. Et j'ai lu un texte de Wittgenstein dans ses recherches philosophiques, dans un paragraphe qu'on associe souvent à Wittgenstein, parce que c'est un des rares à avoir pensé les choses de cette façon-là, dire que finalement pour caractériser un groupe, on n'a pas de meilleur terme que parler d'air de famille. Et c'est exactement ce que dit le film, il y a un air de famille, c'est-à-dire qu'à la fois il y a une famille subie, j'allais dire pas choisie, la famille dans laquelle nous sommes nés, et en même temps il y a des traits de caractère qui font que les uns vont se ressembler et, disons, exprimer une espèce de prototype, un personnage, qui font que finalement, l'air de famille ne sera pas simplement la famille qu'on a sous les yeux, mais celle à laquelle on ressemble, nous autres spectateurs. Et cette façon de mettre en scène quelque chose et d'éveiller l'identification du spectateur, j'imagine que c'est ce à quoi aspire tout cinéaste, et en même temps, c'est très difficile à faire. Oui, c'est évident que cette notion de famille, elle est primordiale. Je pense que Freud a bien montré à quel point elle est primordiale pour tout le monde. Et je pense que elle est à résoudre. Enfin, je pense que oui, c'est une question qui est essentielle dans chaque film. Donc, chaque réalisateur doit se dépatouiller avec ça. Et puis ensuite, il y a les histoires de famille, de réalisateurs ou de genre. Donc, ensuite, on fait partie d'une famille ou pas dans sa catégorie de réalisateur. Donc, on se pose toujours des questions par rapport à cette notion de famille. Ouais, et la famille est le lieu où il y a sans doute le plus de comédie possible dans un air de famille. Ce qui est très réussi, c'est de voir que finalement, dans la famille, ce qui ressort, c'est les clichés, les répétitions. C'est finalement le lieu où il y a plus de choses qui nous pèsent et qui semblent rendre impossible le mouvement qu'appelle Bacri de ses voeux, le fait qu'on puisse changer. La famille, c'est le lieu où on croit qu'on est absolument empâté et qu'on pourra absolument pas évoluer. C'est un terreau très fécond pour la comédie. Oui, effectivement, parce que il est très représentatif et c'était assez joli ce qu'il disait là sur celui qui est oublié dans sa famille, ouais. Parce que grosso modo, il explique que à la fois, enfin c'est ça que moi j'aime bien dans Un air de famille, je le dis volontiers parce que je ne l'ai pas écrit, c'est que c'est une vision très petite, parce que c'est cinq personnes, et ça décrit le monde entier, ça décrit, voilà, il disait, voilà, on peut dire qu'un président de la République c'est un papa ou une maman, et qu'ensuite il y a les enfants, et puis il y a ceux qui sont bien servis et ceux qui sont mal servis. Et que Henri, clairement, c'est quelqu'un qui est pas gâté. Bah, c'est le mal aimé de la famille. C'est mal considéré par sa famille. Et puis, ça explique les gilets jaunes. C'est-à-dire que, finalement, tout ce qu'il racontait tout à l'heure, j'avais l'impression d'entendre la raison d'être des gilets jaunes. C'est les gens qui n'ont pas été considérés. Et c'est juste qu'ils n'ont pas été aimés. Enfin, exactement comme dans une famille, on peut ne pas être aimé. Donc, j'aime bien cette transversalité qu'il y a entre, ce qu'est une famille et ce qu'est la société. Mais c'est difficile de votre part de réaliser un film que vous n'avez pas écrit. Parce que peut-être vous dites, mais où est-ce que le film me ressemble ? Oui, vous pourriez être en désaccord avec le parti pris. Non, c'est même la seule fois, la deuxième fois où je l'ai fait, c'était dans 10%. Ouais. Mais ça ne m'est pas arrivé souvent, et justement, c'est parce qu'il y a une connivence très forte entre ce que... Alors là, c'était pas ce que j'ai lu, puisque j'ai vu la pièce avant de la lire, mais donc c'est une pièce que j'ai vue, mais c'est vrai que je me suis dit, je peux porter ça sur les épaules, c'est-à-dire ça peut m'appartenir d'une certaine façon. Parce qu'on se demande ce qui reste de soi quand on réalise un film qu'on n'a pas écrit. Ouais, alors c'était un exercice super intéressant pour moi, parce que en fait c'est la même année, j'ai fait Chacun cherche son chat et Un air de famille. Chacun cherche son chat, c'est un film, on va dire, improvisé. C'était, il y avait à peine un scénario et j'inventais des choses sur le tournage. Et donc c'était un film très très spontané et improvisé. Et Un air de famille, c'était un film très écrit, très répété, puisque les acteurs connaissaient particulièrement bien leurs personnages, et très mis en scène. Et je m'étais dit, cette année-là, je me suis dit, comme ça, je saurais dans quel sens aller, s'il vaut mieux que je travaille beaucoup un scénario, ou au contraire, que je l'improvise, et j'ai pas eu de réponse. En fait, j'ai bien aimé les deux films, et donc ça n'a pas répondu à mes questions. Mais en tout cas, sur Un air de famille, il y avait ce côté intéressant pour moi de me dire, voilà, moi, il faut que j'ai une créativité dans ce qui me reste. Et donc, c'était la mise en image, c'était l'évolution un petit peu des personnages, parce que il y a des personnages, notamment Catherine Fro, que j'avais beaucoup fait bouger par rapport à la pièce, et elle m'en voulait d'ailleurs beaucoup de ça. Et ah bon, parce que son personnage est très réussi. Dites-lui. Si j'ai l'occasion, je le ferai. Mais j'ai pas vu la pièce en même temps, donc j'ai pas de comparaison. Oui, c'était vraiment important pour moi de voir, voilà, une fois qu'il y a un scénario, qu'est-ce qui reste dans la mise en scène. Et donc il y a beaucoup de choses, c'était des petites choses qui changeaient. Quand Henri, dans la pièce de théâtre, il allait dans l'arrière-salle, qu'on voyait des fenêtres, et puis il revenait dans l'avant-salle au moment où tout le monde parlait de lui, bah moi je l'ai fait sortir de la cave, donc il y a sa tête qui sort du plancher. Bon, bah ça c'est des choses, je dirais, photographiques, qui font que il vient d'en bas au lieu de venir de derrière. Et ça, c'est ça que j'ai amené, disons. Bah oui, mais c'est vrai que vous avez quand même transposé l'univers du théâtre à celui du cinéma, c'est pas rien. C'était mon but, avec en plus des parties pris qui n'étaient pas compris par le directeur de production notamment. Enfin, j'ai filmé en scope. Il m'avait dit, mais le scope, c'est un format de western. C'est fait pour filmer des paysages. C'est pas fait pour filmer un huis clos. Et donc je lui disais, bah justement, moi, je vais filmer un huis clos comme un western. Et donc l'idée, c'est de fabriquer de l'espace dans un manque d'espace. Et donc il y avait des parties pris comme ça, ou de filmer très japonisant. À l'époque, je me référais beaucoup à Ozu, au cinéma asiatique. Et donc c'était très troublant pour eux que je fasse de la comédie avec du cinéma un peu sérieux, quoi. Ou des références en tout cas un peu sérieuses. Et donc, justement, il y a eu des gens qui ont eu peur que j'aille trop loin dans la dramatisation, parce que Bakri m'avait dit au début, moi je déteste pas que tu n'ailles pas trop dans la comédie et que ce soit aussi un drame. Et du coup, j'avais suivi ça et je m'étais dit, peut-être j'ai fait une connerie, peut-être j'ai été trop loin dans le fait de fabriquer un drame familial, d'aller trop loin dans... J'avais des références de Bergman, par exemple, il y a des références assez nettes de Sonate d'automne dans le film. Et du coup, je me suis dit, j'ai peut-être été trop loin dans le fait de dramatiser les rapports familiaux. Et en fait, les gens riaient autant que dans la pièce. Donc je me suis dit, mais il a fallu que je voie le film monter pour en être sûr. Parce que pendant le tournage, j'étais pas sûr de moi. Et en 97, c'est la consécration. Allez-y les gars, mettez-vous là et puis vous allez parler là dans le micro. Allez-y, dites tout ce que vous avez à dire. Il faut pas hésiter, ce soir, je vois que tout le monde est... est prêt à vous écouter. Allez-y. Allez. Non, mais je pensais pas du tout qu'on allait la voir. Alors je suis très contente. Ça risque de durer longtemps parce qu'avec le trio, si on se remercie tous, ça va prendre du temps. Mais je ne l'ai jamais fait en public et vraiment, je vous remercie beaucoup, tous les deux, parce que c'est grâce à eux que je suis sur ce film. Et en ce qui concerne le scénario, c'est quand même beaucoup eux qu'il faut remercier. Voilà. Alors moi, cette année, je n'ai pas de revendications. Je suis assez... Non, je suis content de tout. J'aime la société dans laquelle je suis. Je vois pas de danger qui nous menace. Le cinéma, la politique, tout ça, je vois pas. Je suis assez... Je crois que je suis tout simplement en train de me faire bouffer par le système. Donc, je vous remercie beaucoup et à la prochaine fois. Ah, voilà. C'est un bon pour... Retirer un chien au chenil n'est pas perdu, 57 boulevard des Parloirs, 45 000. C'est ça? Vous m'offrez un chien? C'est lui, là, sur la photo. Alors, je vous préviens tout de suite, il s'appelle Bignou, mais comme il est très jeune, vous pouvez changer de nom, si vous voulez, vous voyez. Il n'est pas encore habitué, il le supportera très bien. C'est un mâle. Mais... merci beaucoup, hein, madame. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Comment ça s'entretient? Tu l'arroses une fois le matin, je crois. Ça te fait pas plaisir? Tu fais une grosse surprise. Oui, voilà, je suis surprise, mais... Vous savez, Yo-Yo, j'ai une grande expérience des chiens. J'ai toujours vécu avec des chiens. Et je peux vous assurer que quand vous saurez ce que c'est, alors là, vous serez vraiment surprise. Vous voulez que je vous dise le fond de mon cœur? Un chien ne vous décevra jamais. Oui, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Oui, ça peut sembler idiot ce que je dis, mais personne ne m'a aimé, personne ne m'a comprise comme Freddy. Et quand il est mort à 18 ans passés, vous savez ce que j'ai fait? Oui, voilà. J'ai déménagé. On dirait le chien d'Henri. C'est la même race? Depuis Freddy, j'achète toujours la même race. Oui, c'est ma mère aussi qui me l'a offert, celui qui marche plus, là. Et c'est le seul problème avec ces chiens. C'est qu'ils s'affaissent au bout d'un moment. Mais alors, hein? Hein, sans jamais se plaindre, toujours de bonne humeur. Hein, moi, Caruso, il... Et le vôtre, il était paralysé aussi? Bien sûr. Oh, bête. Ah, bah dis donc, qu'est-ce qu'elle est sensible, hein, cette petite. c'est une laisse. Hein. Ah. Oui, j'ai vu. Et les clous, là, ils sont plaqués argent. Oh. Encore une laisse. Eh non, c'est un collier, chérie. C'est beaucoup trop luxueux pour un chien. Non, c'est pour toi, c'est pas pour le chien, c'est pour toi. Les scènes mythiques de ce film, j'imagine que vous n'aviez aucune idée en réalisant ce film que cette scène qu'on vient d'entendre, comme d'autres, allait marquer des générations, dont je fais partie d'ailleurs. On connaît par cœur ces répliques-là. C'est comme les sketchs des Nuls et des Inconnus à l'époque. Ouais, non, bien sûr, on n'en a pas conscience et c'est même ça qui est troublant pour parler de comédie. C'est un exemple que je cite beaucoup. Au début, quand ils avaient écrit la pièce, Un air de famille, ils cherchaient un théâtre à Paris pour le jouer. Et tout le monde leur disait non. Tout le monde leur disait, en fait, vous pensez que c'est drôle, mais en fait, ça ne fera rire personne. Et ça m'a toujours troublé qu'ils m'avaient raconté ça, Agnès et Jean-Pierre. Parce qu'on se dit, c'est pas possible de pas voir dans le texte que c'est ultra drôle, quoi. Et en fait... Très souvent, et c'est vrai dans les comédies, quand on écrit un scénario et qu'on n'arrive pas à vendre le film, les gens ne savent pas si ça va marcher, quoi. Et après, quand ça marche, les gens disent « oui, alors c'était facile, là ils appuient sur des boutons ». Et en fait, non, c'est assez étrange de voir à quel point c'est toujours inattendu, justement, ça aussi. Et que il faut prouver aux autres que cette cette chose-là, bah, ce texte-là, oui, en fait, il est drôle. Et alors après, ça devient, vous dites culte, c'est totalement impensable à la base. On peut pas l'imaginer, ça. Non, c'est ça. Et que des décennies après, j'ai dit que le film était sorti en 95, mais c'est 96. 95, c'est la pièce de théâtre. Ça puisse autant faire rire. C'est la question de savoir pourquoi un film vieillit-il bien ou vieillit-il mal. Et ça, on n'a pas de prise là-dessus. Ouais, ouais. Non, et parce qu'on le sait bien, en plus, dans les différents comiques, par exemple, il y a De Funès, c'est un mystère total de voir pourquoi ça nous fait rire, nous en France, et pourquoi ça fait rire en Russie ou dans le monde entier, Louis de Funès fait rire, parce qu'on se dit, voilà, c'est peut-être un phénomène français, non, en fait, ça fait rire les gens, et c'est assez compliqué de décrire pourquoi il fait rire, parce qu'il est souvent son personnage est atroce, il est vraiment méchant, mesquin, avare, raciste, et en fait, il nous fait rire sur ce travers humain. Je redis encore une fois cette expression, il grossit le trait. Mais ce qui est intéressant dans la comédie, c'est qu'il faut à la fois reconnaître quelque chose, être réaliste, et grossir le trait. Mais il faut pas, si le trait il est trop gros, on rit plus. Et si le trait il est trop fin, on rit pas non plus. Et du coup, il y a cette histoire de dosage qui est assez compliquée. Mais c'est pas uniquement l'écriture, parce que dans la pièce, l'écriture est parfaite, donc l'écriture de Bakri et Jaoui, qui ont vraiment le sens de la réplique, dans tous les films qu'ils ont fait ensemble, d'ailleurs, c'est vraiment, vraiment frappant, on se souvient du texte. Mais il y a aussi, et dans votre cas pour Un air de famille, la manière dont vous dirigez les acteurs. Comment vous dirigez un acteur qui doit faire rire? Alors justement, quand je parlais de cette histoire avec Catherine Froux, en fait, moi j'essayais, pour tous, et certains acceptaient plus que d'autres, de les faire changer par rapport à leurs habitudes théâtrales. C'est-à-dire qu'il fallait pas qu'ils jouent d'une façon théâtrale. Ils avaient tous des habitudes qu'ils avaient prises parce que c'est pas une pièce de boulevard, mais disons qu'il y avait des espèces de trucs où ils savaient que s'ils appuyaient sur un truc, le public allait rire plus et tout ça. Et moi, je leur disais, en fait, ça marche pas comme ça au cinéma. Et donc, du coup, très souvent, c'était sur des détails où je leur disais, il faut changer de musique, en tout cas. Il faut pas avoir la musique que vous connaissez. Et donc, voilà, sur les scènes que vous venez de décrire, là, le collier, où il y avait des espèces de musique. Et moi, j'essayais de les faire sortir de leur musique de façon à avoir un degré de réalité en plus, parce que moi je savais qu'au théâtre, il y a une convention, disons, où on accepte quelque chose qui est hors réalité, et au cinéma, on a besoin de plus de sensations de réalisme ou de naturalisme aussi, parce que il y a les gros plans, parce que on est plus proche des personnages, et parce que le langage cinématographique, il est lié quand même à au fait de faire croire à la réalité. Et au théâtre, on n'est pas obligé de faire croire de la réalité. Ah oui. Moins de réalisme au théâtre. Il y a moins de réalisme parce qu'on a la convention, on est dans une boîte et voilà, ça c'est un décor. On est soi-disant dans un restaurant, mais si on tourne la tête, on voit que c'est un faux restaurant. Et au cinéma, il y a un écran et on oublie, une fois que la lumière est noire, on oublie que cet écran n'est pas la réalité. Et donc du coup, le jeu, c'est quand même d'arriver à faire croire de la réalité. Et ça, c'est vrai si vous faites Game of Thrones ou si vous faites Rome ville ouverte, quoi. Donc il y a ce truc où cette bascule entre le théâtre et le cinéma, elle passe par cette acceptation d'un plus de réalité. Et donc, ça veut dire qu'il y a des bons acteurs au cinéma et des bons acteurs au théâtre, c'est pas forcément les mêmes? Alors, c'est pas forcément les mêmes, et il y a surtout des exemples d'excellents acteurs de théâtre qui n'ont jamais fait de cinéma parce qu'ils n'arrivent pas au cinéma. Et ça, c'est troublant parce qu'on se dit, c'est pas possible, cet acteur il est tellement génial au théâtre, pourquoi il fait pas de cinéma? Et c'est vraiment parce que cette bascule n'est pas faite. Et je pense que c'est beaucoup lié au fait que, il y a différentes raisons. D'une part, au théâtre, un acteur est laissé seul, est libre pendant une heure et demie, deux heures. Vous n'êtes pas derrière à lui dire. Voilà, c'est ça. Et ça n'est pas morcelé, c'est en continu. Et donc, du coup, il y a certains acteurs qui sont plus à l'aise avec ça. Il y a le rapport au public, c'est-à-dire qu'ils ont besoin du rapport physique avec un public. Et puis, dans le cinéma, encore une fois, il y a vraiment un rapport à... où dans un gros plan, on peut chuchoter. Au théâtre, on ne peut pas chuchoter. On est obligé de faire semblant de chuchoter. Donc il y a des espèces de bascules à faire pour être du côté plus d'une réalité captée au lieu d'être dans une réalité recomposée. Mais vous, vous avez un pouvoir énorme en tant que réalisateur, en tant que directeur d'acteur. Oui, parce qu'il y a le regard, il y a la caméra, il y a la mise en scène, il y a est-ce qu'on fait un plan en mouvement ou est-ce qu'on fait un plan fixe, est-ce qu'on fait un gros plan ou un plan large. Il y a le montage ensuite, il y a est-ce qu'on met de la musique sur l'acteur. Donc forcément, le jeu de l'acteur, il va être modifié par beaucoup de choses. Justement, et on parle de direction d'acteur, c'est là où je parle de pouvoir, c'est que finalement, c'est comme si l'acteur lui-même devait... dépendait de ce que vous alliez dire, lui dire de faire ou de pas faire. Ouais, ouais. Bah, particulier comme relation. C'est sûr, mais il y a des... De la même façon que les acteurs apprennent à jouer, il y a des cours de direction d'acteurs et il y a des méthodes, disons, pour ça. Et après, il y a chaque réalisateur dirige différemment, parce qu'évidemment, Kechiche va pas diriger de la même façon que Woody Allen ou que Piala ou que Renoir. Mais vous dirigez comment? Vous diriez que vous dirigez comment? Moi, je ce qui est assez troublant pour les acteurs, c'est que je laisse les acteurs être ce qu'ils sont. C'est-à-dire que dans le même film, quand j'ai Lucchini et Romain Duris. Je vais pas du tout diriger Romain Duris et Lucchini de la même façon. Parce qu'ils ont des backgrounds et des façons de travailler qui sont pas les mêmes. Et donc, je vais pas essayer de les faire travailler de la même façon. Donc, c'était très visible dans Le Péril Jeune où Vincent Elbaz et Romain Duris disaient que Vincent disait il donne beaucoup de liberté à l'acteur et Romain disait il est très très directif. Et donc, c'était assez drôle de voir qu'ils avaient ressenti une chose totalement opposée, les deux. Et Bacri? Quand vous l'avez dirigé? Et Bacri, lui, il disait que j'étais très doux. Et ça que, vous fait sourire. C'était parce que forcément, on dirige pas de la même façon des gens. Quelqu'un qui débute comme acteur et quelqu'un comme Bacri, qui pour moi était un monstre sacré déjà quand j'ai fait un air de famille ou Belmondo que j'ai dirigé ou Juliette Binoche. Voilà, c'est des gens qui, enfin voilà, quand je travaille avec eux. J'estime qu'ils ont plus à m'apprendre eux que moi à leur apprendre. Donc le rapport de force il est différent, mais par contre il y a une façon de travailler où moi je suis à l'écoute de ce qu'ils font et si j'aime pas ce qu'ils font, je leur dis, je suis très sincère sur le ressenti que j'ai et du coup ils sont très sensibles au fait que je suis sincère. Et donc du coup quand j'aime je le dis et quand j'aime pas je le dis et donc du coup ils réagissent à ça. Et donc je pense que c'est ça la douceur dont parlait Bacri, c'est que je suis à l'écoute de ce qu'il propose. Et en l'occurrence, alors c'est le problème des acteurs comme Bacri, c'est qu'il n'y a rien de mauvais. C'est-à-dire qu'on fait 10 prises, il y a 10 bonnes prises. Donc le problème, c'est de savoir laquelle on prend des 10 prises, parce qu'elles sont très très différentes les unes des autres. Et du coup, le choix, c'est il est fou, quoi. Mais par contre, il y a quelque chose qui se dessine, alors pas forcément au tournage, peut-être plus au montage, mais il y a une direction qui est prise et qui fait qu'il y a une certitude, en tout cas, sur laquelle est la bonne prise au bout du compte, quoi. Bon, on se quittera avec cette douceur. Merci beaucoup, Cédric Lapiche. Merci. Merci d'être venu nous parler de Bacri ce matin. On mettra votre filmographie en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et donc, je peux annoncer votre prochain film. Il est presque fini. Ouais, je termine la semaine prochaine. Ouais. Encore, en deux encore, mots. En deux mots. C-O-R-P-S. Merci beaucoup. On se quitte avec quelques phrases clés d'un air de famille et la fameuse chanson de Patti Smith. C'est pour les enfants que c'est terrible. Heureusement qu'ils n'en ont pas. Vous croyez qu'il se rend compte qu'il est paralysé? Quand il veut aller d'un endroit à un autre, il doit finir par s'en apercevoir. Vous savez, au bout de deux ou trois... À quoi ça sert de garder un chien paralysé comme ça? C'est décoratif. C'est comme un tapis, mais vivant. Ah oui, c'est vrai. Dreaming. People Have the Power chante Patti Smith, mais Aurélien Bélanger aussi, tous les matins, quand il est l'heure de sa question philo sur France Culture. Tu les aimes, tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Je me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question ce matin est la suivante. L'écriture inclusive va-t-elle entraîner la chute de notre civilisation ? Rien que ça. Eh oui. Alors je me faisais récemment la remarque que ces petits pointillés surnuméraires récemment apparus à la fin de certains mots ressemblaient à des chevilles, ces petites pièces de bois cylindriques qui tiennent les charpentes, les meubles et un peu notre civilisation aussi. Je croyais ainsi m'être radicalement en bourgeoisie le jour où j'avais acheté mes premières chaises chez Habitat avant d'être détrompé en les retournant et en découvrant qu'elles étaient assemblées comme de vulgaires chaises Ikea avec de la colle et des vis. Je ne sais pas d'où me vient cette impression que l'ébénisterie est un art majeur et que les chevilles en constituent la délicate essence. Les chevilles qui rappellent les précieuses clés des casse-têtes dont le retrait soudain entraîne l'élégante explosion, comme si tout ne devait tenir à rien, à presque rien, être un pur assemblage d'atomes tombant dans le vide, comme dans la spectaculaire théorie de Lucrèce. La cheville étant alors la matérialisation de ce mystérieux clinamen qui fait que les atomes, ne tombant pas tous en parallèle, donnent l'illusion de s'assembler pour former des entités compactes, non seulement des chaises, mais aussi des humains et des âmes. Bah, donc l'écriture inclusive qui multiplie ce genre de cheville devrait vous plaire, parce que ça correspond à cette esthétique. Oui, sauf que c'est une esthétique du déclin, de la chute des corps dans le néant. Et c'est cela que ressentent, je crois, les conservateurs face à une innovation en apparence aussi bénigne que l'écriture inclusive. Ils ne supportent pas de voir apparaître le memento mori des chevilles de la langue. Alors j'écoutais l'autre jour un excellent épisode de la méthode scientifique consacré à Einstein tout en survolant sur un viaduc de l'autoroute A28 la vallée de la Rille ou le ruisseau du Bec. Le physicien Thibaut Damour racontait que la relativité générale serait venue à Einstein après la lecture d'un article de journal relatant la chute d'un ouvrier d'un toit de Berne. Einstein l'aurait aussitôt visualisé, non pas en train de tomber, mais immobile au milieu de ses outils en pleine chute. Le vieux concept newtonien de la gravité comme attraction venait d'être aboli. J'imagine que ce malheureux ouvrier, entré à l'instant de sa mort dans le caveau sublime d'une expérience de pensée, avait aussi des chevilles autour de lui, et j'ai pour lui l'empathie que j'ai pour les conservateurs. Je ne suis pas l'un d'eux, mais je crois que je les comprends. Je comprends le paradoxe, la bizarre expérience de pensée à l'intérieur de laquelle ils ont choisi de vivre. Ils voudraient, de tout leur cœur, que tout soit immobile. Mais la seule condition pour que cela soit vraiment, c'est qu'ils soient en chute libre. Ce n'est qu'au prix de la damnation générale du monde qu'ils arrivent à en sauver quelque chose. De là, leur obsession pour des objets aussi anodins que ces points récemment apparus à la fin de certains mots. Ils les traitent avec toute la délirante attention que les physiciens accordent à leurs objets d'expérience comme des indices de ce que l'immobilité qu'ils convoitent comme le suprême bien est menacée et que le monde est en train d'accélérer sa chute. Ses chevilles libérées de l'écriture intuitive, il les regarde avec l'effroi d'un astronaute qui craint que son vaisseau retombe, il les regarde comme les poids accrochés au ressort d'un accéléromètre. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils n'ont obtenu le sentiment préalable de leur immobilité qu'en faisant basculer leur laboratoire entier dans le vide. Oui, donc en fait Aurélien, vous ne pensez pas vraiment que l'écriture inclusive va entraîner la fin de notre civilisation ? Oui, tout à fait. Mais qu'on puisse le croire ne m'en fascine que plus. Que les conservateurs, ces adorateurs contrariés de la fin du monde, s'y entraînent avec l'écriture inclusive, cela me laisse songeur et un peu admiratif et jaloux aussi du fantasque palais de cristal qu'ils arpentent avec toute la mélancolie d'un possesseur soudainement et éternellement exproprié. Merci beaucoup Aurélien Bélanger. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aident chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon Delasselle en compagnie de Jules Barbier, Laure Blanqui, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette série d'émissions. À la prise de son aujourd'hui, c'était Clara Galivelle, à la lecture des textes Vincent Schmitt. Je vous donne rendez-vous demain pour l'émission du vendredi, cours particulier, en compagnie du rabbin Delphine Horviller qui fait paraître un très beau livre, Vivre avec nos morts. Ce sera l'occasion pour elle de nous parler de son métier, de son livre et de beaucoup d'autres choses. Cours particulier demain, donc à 10h. D'ici là, si vous voulez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie, pour réécouter l'émission en ligne. Vous pouvez aussi la podcaster, la télécharger grâce à l'application Radio France qui vous permet d'écouter les émissions de votre choix, où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous aussi sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram. L'équipe des Chemins est ravie de répondre à vos questions et de lire vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture. À vendredi prochain, alors. Ouais, à vendredi.